décousu. J'suis tout décousu dans ma tête comme un John Doe. J'complote, j'en ai marre, envie de me barrer plus tôt. J'barbote dans la vie comme des gamins sur une plage qui boivent la tasse et clapousse, patifole dans les vagues. J'divague avec ma feuille, elle m'emmène un peu partout. La vie n'est pas un jeu et y'a plus d'un éliminé par tour. Bienvenue dans un monde sans retour, dans un texte sans détour. J'suis resté jeune et parfois ma tête tourne. J'suis tout décousu dans le zig, dans le zag. J'rêvais de bosser dans la zig, pas de bosser dans une zag. J'suis ma vie sans faire de zèle, sans eux, sans elle. Petit ange déçu, déchu, sans auréole, sans elle. J'veux faire des morceaux féeriques, mieux faire kiffer les gens, décousu, intelligent, bousculer un peu les gens, chercher un peu de joie avec un son et un micro, faire ça spontanément sans tout calculer au micron. J'suis tout décousu comme un fille qui se balade, comme un gosse qui se banane, comme un fou qui palabre. Tout décousu comme un singe sans son arbre, comme un songe de zona, comme un soldat sans arme. J'suis tout décousu comme un fille qui se balade, tout décousu comme un coq passe à l'âme, comme un gosse qui se banane, comme un fou qui palabre. Décousu comme un puceau passe à l'acte. J'suis tout décousu comme cette vie que je mène. Rarement je m'aime au tableau d'affichage. Rarement je mène, alors je rame dans ma barque. Je traîne dans le parc de la vie, assis sur un banc avec dans les yeux cette leur avis. Des vides dans le cœur, y'a trop longtemps que je suis en colère. Je te jure, je me connais, je leur en fais voir de toutes les couleurs. Et moi je suis plus d'accord de la fermer pour leur plaire. Je dis ce que j'ai sur le cœur et ce qu'ils font pas, et ben je les plains. Et je m'en suis allé sur ma route tout décousu. Scousi, j'espère finir dans une baraque cosy. Je cause à ma feuille un petit peu tous les faits, tous les faux, faut les fuir. Moi je fonce. En effet, je suis tout décousu. On dit de moi que j'ai pas de logique, mais qu'au micro je performe, performe, balance des ogives. J'imagine sur son, j'imagine mes prochains sursauts. Je passe au refrain, c'est la fin du couplet sur ce. Je suis tout décousu, comme un fille qui se balade, comme un gosse qui se banane, comme un fou qui palabre. Tout décousu, comme un singe sans son arbre, comme un songe de zona, comme un soldat sans arme. Je suis tout décousu, comme un fille qui se balade. Tout décousu, comme un coq passe à l'âme, comme un gosse qui se banane, comme un fou qui palabre. Décousu comme un puceau passe à l'acte. J'suis tout décousu dans mes propos bordéliques. J'suis pas venu au monde pour commettre des délits. J'ai nié que j'avais ce rap en moi pendant trop longtemps. J'prendrai le temps, la dernière clope face au peloton. Même les vieux sortent les sonotones pour capter ce que j'dis. Y'aura toujours quelques jaloux pour raconter que j'deal. Que j'suis tout décousu, là-dessus ils auront pas tort. Oiseau de nuit, 6h du mat, c'est pas tôt mais plutôt pas tard. J'suis tout décousu, mode de vie dissolu. Cherche plus de solution quand j'ai la haine qui s'allume. J'dis salut à mes potes dans cette vie ou dans l'autre. Ça dépote, tous un peu paumés dans cette putain d'époque, mais on s'en moque, on se moque de tout, de nous et des autres, on se moque de tout, Dawid casser ses vaisseaux avant que Donzo vire à la mort, se faire saigner plein de sons, signer plein de textes, s'en servir d'appât ou d'hameçon. J'suis tout décousu, comme un fille qui se balade, comme un gosse qui se banane, comme un fou qui palabre. Tout décousu, comme un singe sans son arbre, comme un songe de zona, comme un soldat sans arme. J'suis tout décousu, comme un fille qui se balade. Tout décousu, comme un coq passe à l'âme, comme un gosse qui se banane, comme un fou qui palabre. Tout décousu, comme un puceau passe à l'acte.